Bonjour. Bonjour. Je prends du son pour des radios libres. Oui. Vous voulez bien parler? Ah bah oui. Avec super. Plaisir. Parce que je vous vois, avec un casque BTP et du coup c'est ça, voilà. Votre prénom c'est quoi? C'est Adrien le prénom. Adrien. Du coup est-ce que tu peux expliquer pourquoi t'es là, pourquoi t'es venu? Alors en fait je suis là c'est pour défendre la pénibilité dans le travail public. Parce qu'on nous demande aujourd'hui d'aller à 64 ans alors que j'ai déjà plein de collègues à 50, 55 ans qui sont déjà rincés. Des problèmes de dos, des problèmes d'épaule, des problèmes de genoux. Il y a une pénibilité dans le travaux, quoi, dans le bâtiment et le travaux public qui est assez énorme. Que ce soit les conditions climatiques, l'été, l'hiver, la pluie. Et puis sur les chantiers, on nous demande de plus en plus une cadence infernale. On réduit les effectifs. Avant, on avait des équipes de 5-6 dans le travaux public, par exemple. Aujourd'hui, on se retrouve à 2-3 pour le même travail dans les mêmes délais. Et aujourd'hui, les seuls critères de pénibilité, ils ont été supprimés en 2017. Les critères, tout ce qui était travail avec des produits toxiques, les manutentions de charge lourde, les vibrations mécaniques, tout ça, tout a été supprimé. Donc aujourd'hui, on se demande ce qu'on va avoir comment ils vont reconnaître notre pénibilité, quoi. On veut qu'ils la reconnaissent. Bah, Monsieur Macron, il trouve que de parler de pénibilité, ça donne l'impression que le travail, c'est pénible. Alors, bah, je l'invite à venir sur les chantiers. Hein. Je crois qu'il verra un peu ce que c'est la journée d'un ouvrier, d'un carreleur ou d'un couvreur. Et je pense qu'il verra que oui, le travail peut être pénible, malheureusement. Il y a des gens qui le choisissent par passion, il y en a qui ne le choisissent pas et qui subissent la pénibilité du travail public et du bâtiment. Et là, en début de manif, la CGT dans la Sono a salué justement la présence d'ouvriers du BTP qui ont rejoint les manifs récemment. Est-ce que tu peux parler de ça? Oui, tout à fait. Alors, il y a un collectif qui s'est créé là sur Facebook. On est à peu près 6000 dans toute la France. Il y a encore plein de nouveaux arrivants tous les jours. On monte de 100 à 200 tous les jours quasiment. Là, jeudi dernier, on était à peu près 1000 sur toute la France. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on va être encore plus. Et puis, on va continuer à mobiliser à partir de la semaine prochaine, à aller tracter sur les chantiers, à faire comprendre aux gars que c'est maintenant qu'il faut qu'on se batte pour notre pénibilité. Et toi, t'es soutenu par un syndicat ou t'es là... Alors pas du tout, non. J'ai commencé un peu avec les gilets jaunes, mais aujourd'hui, voilà, je défends le BTP en tout à fait libre, avec ce collectif officieux qu'on est en train de créer, quoi. Okay. Merci à toi, Adrien. Si, merci, bonne journée.